Y'a quoi, mon ami, y'a quoi. Deux, trois photos dans mon wax, la petite mamie Corda. On se parle tous les jours, faut dire qu'elle a beaucoup d'humour. Je suis charmé, je crois qu'elle m'a piégé. Elle a l'air sincère, je crois qu'elle veut se poser. J'ai gagné la go, depuis longtemps, longtemps. Tu négocies seulement, pas si les peines de tuer. Tu veux l'impressionner, mais tu as joué. C'est vrai, t'es jolie, mais il manque un truc. Tu sais t'habiller, tu sais te saper, mais t'es pas au complet. Ah, mignonne, mignonne, la go est mignonne et mignonne, mignonne. Mon bébé, t'es mignonne, mais t'es pas mon genre. Tu n'es pas mon genre, mon genre. Tu n'es pas mon genre. Mais t'es pas mon genre. Tu n'es pas mon genre. Mon genre. Tu n'es pas mon genre.